Olive, Batetane, Makwamba. olive masetana makwamba. Makwamba. Makwamba. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et quand la cérémonie que nous avons commencé bientôt, elle changera pour nous. Nous avons porté le nom de son époux. Il y a des choses qui nous font un autre point d'avoir fait de tout pour nous de faire la journée. Alors, si nous sommes en train de faire la journée, et quand c'est un peu plus long que nous nous apprêtons à comprendre, et quand c'est un peu plus long que nous nous apprêtons à comprendre, quand la cérémonie de mariage, il prenait le temps de 1960, la première partie du premier parlement. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme et cette femme en l'église sacrée du mariage. C'est une recommandation par ce point pour une chose commensurable à premier homme. Par conséquent, il est mis pour lui à la fin du Seigneur. Imprudemment. Et basé-t-il la montée pour porter l'amour dans vos amis et l'imam. Ou légèrement. La beauté pour polo. Mais plutôt avec respect. En abonnant à votre chose. Prudence. La beauté. Modestie. Et la beauté. Et dans la présence de Dieu. Là, au bout d'un abonnement en Zambé. Ok. D'accord. Voilà, c'est un rappel. Les amis, vous organisez la cabine. À l'entrée, la cérémonie de bénédiction. Voilà, où est-ce que vous allez avoir pas pour l'animal? Je vais vous dire, le jour à l'hôtel. Là, pour faire la babale, la date, la soupe du coup. Et ça va, ça va. Mais nous sommes venus dans la présence du Seigneur. et soyons, s'il vous plaît, respectueux. Et attention pour toute la cérémonie et permettre d'entendre les engagements que les deux candidats vont prendre devant vous les témoins. Mais avant que nous arrivions à ces engagements, alors que nous nous rassemblons dans la crainte de Dieu, nous chanterons à l'école de Dieu devant Dieu le programme de jugement. À qui vais-je demander que notre vie olive à tes parents? Tu as prié en mariage légitimement à monsieur Nathan et la peine. Dieu vous aide là, venez vous manifester. Ok. Je vois demain. Alors, qu'est-ce que tu es ici? Donne un petit peu. Ok. Il me s'est abaissé. Je vous laisse quelques semaines. Ok. L'enfant de la vie, je parle de ton présentation. Parlez toujours. Ok. Alors, papa, comment vous appelez-vous? Papa, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean Makwamba. Ok. Qui est pour vous pour la place à la dimension de vos livres? Yo, Ozalinani, na, voilà, moi, si vous voulez. un motif qui fait le sang de Jésus. Dire le fait que l'animal est un mariage de cela. Si vous êtes là, vous priez, vous le priez. Vous prenez le droit et vous dites quoi. Comme ça, il n'y a rien à dire, vous allez vous taire pour que vous vous prenez le droit. Vous n'avez rien à dire pour que vous le priez. Oh, Vous avez juste prenez l'espace pour moi et merci beaucoup. Ah, vous pouvez moi, Je vais demander maintenant à mon père Nathan-Séka de remonter entre les deux jaloux ici présents ce matin. La Bible est ouverte dans Matthieu chapitre 19. Là où nous avons lu que l'homme n'était pas parce que l'homme a béni. Dieu l'a béni. Veuillez choisir l'alliance appropriée et faire porter au temps approprié de notre sœur béni. En partant du tout petit vers le plus gros droit. Et voilà, c'est l'annulaire. Partez du mot à nous. Et faire la sorte que l'anneau entre ta main. Qu'il nous fait ce que c'est maintenant. Lis-la à toi. bien-aimé, Seigneur, avec respect, fermez nos yeux, inclinez nos cœurs. Thank you. Thank you.

Nous te disons grand merci pour cette belle journée que nous avons. Il a fait ses choses pour toi. Je suis La chose que je veux vous dire est tellement importante que je ne veux pas que la musique dérange les gens. Je pense que tout le monde est attentif. Que je tenais vraiment à vous dire. Avant de repartir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Et moi, votre frère de serviteur, je vous donne de tout mon cœur. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Et cela me permet de vous demander si vous le voulez. Et je suis le dernier mot. Et Dieu vous bénisse pour le chemin. Et c'est pourquoi on a été. Allez, chante.